Les hommes ne pleurent pas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi je dis qu'on est tous les mêmes, sauf qu'on se cache pour souffrir. Les hommes se cachent pour verser des larmes de tristesse. Moi je pleure, j'avoue, rongé par l'anxiété et le stress. Je suis trop mal dans ma vie, trop vite dans mon petit corps. C'est la merde, pourquoi mon système ne fabrique pas d'anticorps contre le mal de vivre et contre la dépression. Regarde-moi, je pars en couille, je suis triste sans aucune raison. J'ai pas l'impression ni le souvenir d'avoir été heureux un jour. Mais je donnerai tout pour être heureux pendant ne serait-ce qu'une heure. Je demande qu'une chose, que le bonheur vienne taper à ma porte, mais que le malheur reste pour que je sois dans mon délire. J'attends que la roue tourne impatiemment, c'est vrai, mais je l'attends. Je sais que je suis mal car t'es toujours pas fait le deuil de maman. J'ai trop envie d'aller mieux, mais au fond je m'en bats les reins. Moi j'ai grandi avec le mal de vivre, avec lui je me sens bien. Esprit torturé, esprit contradictoire, je suis en quête de bonheur, mais le malheur me tend les bras. Et je suis tombé sous son charme, je crois plutôt tombé dans le panneau, car au fond de moi je pense que j'ai besoin de ça. Esprit torturé, esprit contradictoire, je suis en quête de bonheur, mais le malheur me tend les bras. Et je suis tombé sous son charme, ma vie, il me fascine et me détruit, mais c'est lui qui me fait grandir. Le mal de vivre, avec lui je me sens bien, il serait plus là. Comment je ferais pour vivre sans chagrin? C'est lui qui m'a fait avancer, qui continue d'ailleurs. Je sais que je demande le contraire, mais trop de bonheur tue le bonheur. Moi je m'en tape, sérieux, j'ai besoin de galérer pour grandir. Besoin de m'enfoncer pour pouvoir en ressortir plus fort. Ouais j'ai besoin de ça, ouais, et ça personne pourra me l'enlever. Je sais je suis cinglé, appelez-moi esprit torturé. J'ai besoin de me retrouver dans ma solitude renfermée. Besoin de m'écrouler pour pouvoir mieux me relever. J'ai besoin de coups de blues, besoin de coups de batte en plein cœur. Besoin de haine, de peine, de regret et de rancœur. J'ai besoin de tout ce bordel pour être moi-même. Besoin de tout ça, je te jure. Besoin d'être malheureux pour être bien au fond de moi, je te l'assure. J'ai besoin de déprime, les gens vont dire que je suis fou. Putain, je m'en bats les couilles, moi c'est la tristesse qui m'a fait. Esprit torturé, esprit contradictoire, je suis en quête de bonheur, mais le malheur me tend les bras. Et je suis tombé sous son charme, je crois plutôt tombé dans le panneau, car au fond de moi je pense que j'ai besoin de ça. Esprit torturé, esprit contradictoire, je suis en quête de bonheur, mais le malheur me tend les bras. Et je suis tombé sous son charme, ma vie, il me fascine et me détruit, mais c'est lui qui me fait grandir. Esprit torturé, surtout contradictoire, regarde au fond de mes yeux, regarde le vide à l'intérieur. Mate la détresse d'un petit gosse paumé, mate la tristesse d'un petit gosse marqué par les épreuves de la vie. Au fond je m'en tape de mon avenir à la recherche du bonheur, sans vouloir quitter le mal de vivre. C'est difficile à expliquer, difficile de comprendre ça. Franchement je vais te dire un truc, moi-même je me comprends pas. Pourtant je suis pas heureux, et je le souhaite à personne d'être comme ça, d'être comme moi, de penser que je serais seul si le mal n'était pas là. En plus je garde tout pour moi, je souffre en silence, loin de mes yeux, loin de mon cœur. Sur le bonheur je prends de la distance. Le bonheur n'était pas là, mais le malheur lui l'était. C'est pas logique comme kiffer l'hiver autant que l'été, putain, mais je suis cinglé. C'est pas possible d'avoir besoin du mal. Je regarde vers l'horizon en espérant devenir normal. Esprit torturé, esprit contradictoire, je suis en quête de bonheur, mais le malheur me tend les bras. Et je suis tombé sous son charme, je crois plutôt tombé dans le panneau, car au fond de moi je pense que j'ai besoin de ça. Esprit torturé, esprit contradictoire, je suis en quête de bonheur, mais le malheur me tend les bras. Et je suis tombé sous son charme, ma vie, il me fascine et me détruit, mais c'est lui qui me fait grandir. Scream. Ok. Esprit torturé, esprit contradictoire. Les gens vont dire que je suis fou, mais je m'en bats les couilles. Ok.